Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 33e épisode de la mécanique des ondes sur fréquence protestante. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Après une longue série de femmes en fin de saison, eh bien je reçois un homme pour la troisième saison, pour le début de cette troisième saison de la mécanique des ondes. Je reçois l'animateur Éric Jean-Jean. Bonjour Éric Jean-Jean. Bonjour Cécile, il est très joli votre générique. Ah, merci beaucoup, vous avez reconnu ce que c'était. Non, pas du tout, justement j'étais en train de me demander depuis tout à l'heure. Alors j'écoutais d'une oreille inattentive ce que vous disiez, bien que j'ai compris que je fais suite à beaucoup de femmes, ce qui me satisfait pleinement. Je suis très heureux de faire suite aux femmes. Non, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est super. Eh ben, je vous le dirai. D'accord, peut-être. En antenne. Je vais laisser les auditeurs également, peut-être, on va dire, deviner. Alors, première question traditionnelle dans cette émission, vous êtes au micro d'une radio associative. J'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Tellement. Tellement de souvenirs. C'était en 1982, moi je commence à être un vieux monsieur. C'était en 1982, il y avait une radio associative pas très loin de chez moi. J'habitais dans le sud-ouest, dans un petit village qui s'appelle Prignac et Marquant, et il y avait la radio du pays Blayais, puisque c'était le grand pays où on habitait. Et puis il y avait de la lumière un samedi, je suis rentré, je vous jure que c'est vrai. Et je suis rentré, il y avait des platines comme celles qui sont derrière les vôtres. Enfin non, pas comme celles qui sont, parce que c'était platines disques autrefois. Et donc je commençais à tripoter ça, etc. Le patron est arrivé, il m'a dit faut pas toucher ça. Oups, je me suis fait virer. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, bah voilà, je vais faire de la radio. Et le samedi d'après, je commençais. Et je suis devenu animateur de radio dans une radio associative qui était un peu plus en longueur que celle-là. Celle-là, elle est plus carrée, elle est plus accueillante. Puis surtout, il y a un canapé dans le studio. Mais ouais, bien sûr, mais oui, on a tous commencé par ça. On a tous. Après, il y a eu Studio 2000, mais là, j'ai commencé à être payé un peu à Studio 2000 à Bordeaux. Puis après, j'ai commencé à faire des radios où c'était des radios qu'on va qualifier de professionnelles, quoi, 8FM, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que 100.7, c'était la fréquence de 8FM, la radio où j'ai vraiment débuté à Bordeaux. Alors, à quel âge vous commencez justement à aller fouiner dans les radios associatives ? 15 ans. 15 ans, j'étais en seconde, il y avait un type qui s'appelait Franck Duré, qui est d'ailleurs aujourd'hui animateur radio, je crois, sur France Bleu. C'est un copain toujours, mais je l'ai un peu perdu de vue. Et Franck était en première au lycée, où moi j'étais en seconde. Et c'était un peu l'idole du lycée parce qu'il faisait de la radio dans cette radio. Et moi, je trouvais ça, mais tellement cool. Alors, je l'ai scotché jusqu'à ce qu'il m'amène à cette radio et ce fameux samedi, voilà. Alors, vous étiez adolescent. Est-ce que, justement, le fait de vouloir faire de la radio, ça va déterminer vos études, ensuite? Oui, en fait, il se passe deux trucs à ce moment-là. J'ai déjà découvert le fait de faire danser les gens. J'étais disque jockey et je faisais danser les gens dans les surbooms et cet été-là, donc je fais de la radio. Et en parallèle de ça, je suis pris en stagiaire pro à l'équipe de foot de Libourne. Donc en fait, je sais pas. C'est si un village je... à côté de Bordeaux. Ouais. C'est oui, voilà. Et puis c'était la réserve des Girondins de Bordeaux. Et moi, j'étais en équipe d'Aquitaine, j'étais gardien de but, tout ça. J'avais un potentiel, comme on dit à l'époque. Et donc j'ai passé 4 ans de ma vie en sport-études. Et donc c'est au moment où je commence à faire de la radio que je commence aussi à faire des choses sérieuses au sport. Donc sport-études voilà. Est très prenant, on le sait. Hein. Bah, tous les jours. Tous les jours, vous êtes sur un terrain, vous faites mal, hors de question de penser à la radio. Et puis le week-end, à l'époque, je jouais en National Cadet. Donc en fait, vous prenez le bus, vous allez jouer à l'autre bout de la France. Donc, mais quand même, j'avais ce truc-là. Et donc du coup, entre milieu 2, j'étais interne à Libourne et il y avait un fast-food où il y avait deux platines. Et en fait, je passais les disques entre midi et 2. Mes repas étaient payés à la cantine entre midi et 2. Mais je préférais aller me faire offrir un burger par le patron du fast-food en échange de passer des disques. Enfin voilà, c'était un peu pris. Et pour revenir à votre question initiale, j'ai arrêté le foot à 20, enfin j'ai fait du foot, voilà, j'ai donc priorité au foot, sauf l'été où j'étais disque jockey, où je gagnais ma vie comme ça. Et puis à un moment, j'ai compris que la musique, les filles et le rock'n'roll, oui, la rock'n'roll way of life qui me fascine, faisait plus partie de ma vie que jouer au ballon. Alors j'ai commencé à jouer dans un petit club et c'était le début de la fin et c'était le début du début, voilà. Et pour les études. Pour les études, en fait, moi j'avais un père qui faisait de la politique, une maman qui était institutrice, qui sont plus là aujourd'hui, et en fait, pour que j'ai le droit de faire tout ce que je veux, fallait qu'il y ait un projet qui marche bien. Et un projet qui marche bien, c'était un projet scolaire un peu solide. Bon, il se trouve que j'ai passé 2 fois mon bac quand même, faut faire le malin. J'ai passé 2 fois mon bac, du coup la deuxième, je l'ai eu un peu mentionné, et du coup j'ai tapé le concours d'entrée de Sciences Po et ça s'est bien passé et voilà, donc j'ai fait Sciences Po à Bordeaux, je faisais une licence d'anglais en même temps, mais en fait, pour vous dire la vérité, c'était, enfin, la seule chose qui m'intéressait, c'était la radio. Et pour en finir avec ça, parce que je suis très bavard, vous allez vous en rendre compte, je me souviens d'un entretien avec une conseillère principale d'éducation en seconde qui me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai dit, moi, je veux faire de la radio. Non, je veux faire animateur. Très bien, alors animateur socioculturel, animateur sportif, parce que je suis une grande baraque, j'étais très costaud déjà à l'époque. Bah non, animateur de radio. Et à l'époque, je crois que cette dame ne savait pas qu'il existait des écoles de radio, si elles existaient, je suis même pas sûr. Et voilà. Mais donc j'ai jamais fait d'école de radio. D'accord, mais bon, du coup, Sciences Po vous ouvre un petit peu des perspectives, même si vous êtes bon dans les études et que ça vous intéresse pas, dans le fond, ça vous ouvre quand même des envies, ça vous débloque des choses? Ça m'apprend à écrire. Sciences Po, deux parties, divisées par deux parties. Ça m'apprend à être concis, ça m'apprend à lire vite, ça m'apprend à lire en diagonale, ça m'apprend à synthétiser, ça m'apprend aussi à être un voyou dans mes prépas. C'est-à-dire que je peux préparer en deux heures un truc qu'il faudrait une journée à préparer parce que j'ai été malin et que je l'ai appris, ça, je l'ai vraiment appris. Ça m'a pas donné la culture que ça aurait dû me donner parce que j'ai plus lu les profils des œuvres que des livres que j'ai lus par la suite. Non, Sciences Po, ça aurait dû me donner ce que j'ai appris à Sciences Po, c'est-à-dire la concision, la manière de travailler. Ça, oui. Ça m'a pas donné, alors, c'est très prétentieux de dire ça, mais je pensais obtenir une grosse culture avec Sciences Po, mais en fait, il aurait vraiment fallu être sérieux à Sciences Po et un peu moins sortir et un peu moins faire de la radio et lire les livres qu'on nous conseillait de lire. C'est une formation sublime, mais voilà. En plus, vous avez eu quand même la chance d'y rentrer. Oui, ce qui est pas facile. Ça, j'en reviens pas. Alors, combien de temps ça dure toutes ces études, et à un moment, vous avez peut-être envie d'arrêter? Non, mais ça, en fait, moi j'ai pas mal, non parce que c'est très compliqué, mais bref, j'ai pas mal bégayé quand j'ai redoublé ma première, j'ai redoublé ma terminale quand je faisais du foot, en fait, je pensais qu'à ça, donc du coup, je suis arrivé un peu tard sur le marché, et puis donc j'ai eu mon bac à 19 et demi, un truc comme ça, et après l'IEP, tout ça, après il y a eu un petit passage où je suis allé en Angleterre, et donc à 23-24 ans, je finissais péniblement l'école, et j'étais sur une radio, là pour le coup, j'étais devenu un professeur. C'est aussi pour ça que je finissais péniblement la licence d'anglais. C'est que je faisais les matinales sur 8FM, la radio des Girondins de Bordeaux à l'époque. Et puis un jour, Max Guazzini était en vacances sur le bassin d'Arcachon. Max Guazzini, c'est le patron d'énergie. J'avais pas encore 24 ans. Il prend contact avec moi, m'envoie un mec que je connaissais pour me dire « Est-ce que tu veux venir ?» Et moi, je crois que c'est la reine d'Angleterre qui m'appelle. Il faut pas déconner, arrêtez, c'est pas vrai, ça va, quoi. Et puis, en fait, si, c'était une vraie proposition. Et donc, je suis arrivé à Paris en 91. Je devais arriver en avril 91, en mai 91. Puis, j'ai eu un accident de moto très sévère qui a fait repousser l'échéance. Je suis arrivé en août 91. Mais je me suis retrouvé... C'est un truc bizarre, la radio, en ce qui me concerne, en tout cas. C'est que de passer de... J'étais sur cette radio dont je parlais tout à l'heure, Associative Studio 2000. Et j'ai été contacté par les mecs de 8FM. J'avais passé un casting pour aller à 8FM quand ils ont créé la radio. Ils m'avaient envoyé promener parce que je devais pas être bon. En même temps, je sortais de boîte de nuit. J'avais bonjour. Ça peut marcher quand on s'appelle Dominique Duforest et qu'on fait la voix. Mais pas moi. Et donc ils m'appellent. J'ai dit, mais vous m'avez déjà appelé. Ah bah oui, mais là c'est bien ce que vous faites. Donc ils m'ont appelé pour aller à NRJ et même on m'a appelé pour aller à RTL. Enfin, mon aventure. Vous avez eu de la chance. Mais grave. Et mon histoire avec mon métier aujourd'hui, la radio, c'est plein de rendez-vous, de planètes alignées et de coups de fil et de rencontres. Et je fais partie, je voudrais toucher du bois sans être trop... La table du studio est en bois. Très bien. Non, mais sans être trop, sans me faire des mauvaises idées de trucs de sorcière et tout ça. Mais quand même, ouais, j'ai eu une chance infinie de jamais à être obligé d'aller frapper aux portes. Pour la radio, on m'a jamais, même pour la télé d'ailleurs, jusqu'au prime de TF1, j'ai jamais, on est toujours venu me chercher. C'était dingue. Voilà. Du coup, je suis un peu moins me bagarrer quand il faut aller chercher des trucs. C'est un autre problème. Éric Jean-Jean, c'est déjà le moment de la première pause musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi de diffuser? On commence par la chanson française ou la chanson internationale? Comme vous voulez. Alors, la chanson française. Je vais vous passer une chanson d'un homme que j'aime comme homme. Infiniment, comme artiste plus qu'infiniment. Je crois que je connais jusqu'à, je disais, La Belle de Mai, qui est son album de Marseille en 93. Toutes ses chansons par cœur. C'est Renaud. Et dans la chanson que j'ai choisie, qui est une adaptation libre du Déserteur de Boris Vian, il y a une phrase qui dont j'aimerais qu'elle soit la phrase de ma vie. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des enfants, des baleines, de la terre et de l'eau. Renaud, le Désecteur, une chanson pacifiste. Et j'avais envie d'entendre ça aujourd'hui. Une chanson pacifiste.

Alors, j'ai envie un peu de revenir sur 8FM parce que vous n'avez pas fait d'école de radio, soit. Vous non. apprenez donc le métier d'animateur sur le terrain. Ouais, sur le terrain, sur le tas. C'est l'animation qui vous plaît, c'est pas tout le côté technique, montage, etc. Vous parlez dans le micro, en fait. Je veux être Patrick Sabatier. J'ai 16-17 ans et je me dis, putain, il est jeune, il est beau, je veux être Patrick Sabatier. Sauf que je savais pas qui était Patrick Sabatier, du coup je vois un peu moins être Patrick Sabatier maintenant. Mais en fait, voilà, je veux être ça. Et le premier patron de FM dont je vous parlais tout à l'heure, celui de 1982, est resté mon ami depuis et il avait une société d'animation commerciale. Et à partir de 16-17 ans, j'allais dire, il me met au tapin, c'est un peu le cas quand même. Il me fait faire des animations commerciales. Et puis j'anime les grands podiums d'été sur ma région, le Sud-Ouest, donc le quotidien Sud-Ouest, avec tournée d'été Carlos, machin. Et c'est moi, j'ai 19 ans, je suis sur scène, bam, je présente et tout. Donc voilà, ce que je veux, c'est parler au micro, être un animateur généraliste et populaire. Et donc, à ce moment-là, ça, c'est plutôt les étés qui sont très chargés. Je fais disque jockey, je présente les tournées, tout ça. Puis le reste du temps, j'essaye de travailler plus ou moins à l'école. J'arrive dans une radio qui s'appelle Studio 2000, qui est une radio qui me donne le soir, 20h-22h. Et puis là, je suis appelé par 8. Et j'arrive à 8, et pour la première fois de ma vie, je vois ce que c'est qu'un conducteur. Pour expliquer aux auditeurs, c'est un papier dans lequel on vous impose l'ordre des disques à passer, ce que vous devez faire, etc. Et tout ça est dirigé par des gens qui vont devenir mes amis, et surtout l'un qui va devenir mon mentor, qui est Christophe Sabot. Et Christophe Sabot qui était... qui a fait plein de trucs, mais qui vient de sortir de RTL à ce moment-là de sa vie, en 88, pour créer cette radio à Bordeaux, ce qui est très... C'est un pari risqué, il est programmateur à RTL. Et moi, il me prend, et je suis étudiant, et j'arrive avec un t-shirt de marque de Rome, comme ça, dans la radio, parce que je sors de boîte, voilà. Et donc, ils se foutent un peu de ma poire, tous, mais j'arrive, et puis Sabot commence par me mettre le week-end, le soir, pendant, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, puis très vite, il me met au petit matin, 6h, 9h. Et là, pendant au moins 6-8 mois, il va tous les matins, à 9h, me prendre une heure en tête à tête dans son bureau, avec la pige, c'est-à-dire la ouais. cassette enregistrée. Pour débriefer. Ouais. Et c'était très douloureux. C'était parfois dur, même un peu violent, mais je crois que cet homme m'a appris mon métier à ce moment-là, ouais. Ça a été mon année de formation la plus importante de ma vie. J'ai d'ailleurs une relation très particulière avec lui aujourd'hui parce que voilà, il est à la fois mentor, puis je l'ai quitté après, donc on s'est fâché, et puis on est revenu. Ouais, c'est toujours des relations très particulières, ouais. forcément. Ouais, puis moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'admirer les gens pour qui je travaille. Si j'ai un problème avec l'autorité, hein. J'ai un problème majeur avec l'autorité. Et donc, si mon chef je ne l'admire pas, je vais avoir un mal fou à être copain et à l'écouter. Alors justement, 8FM, ça dure combien de temps cette formation ? J'arrive à 8FM, ça devait être... 8FM a été créé en juin 88, moi je suis arrivé en septembre 88, et puis j'ai quitté 8FM en avril 91, donc voilà, ça a été cette période-là. Sabot était parti début 91, donc en fait lui était déjà parti à Paris, mais je sais pas trop ce qu'il faisait. En fait, il était directeur des programmes de Chéri FM, et puis il commençait à s'occuper d'énergie, c'est la raison pour laquelle il a dit à Max, écoute le grand, parce qu'il n'y a pas vraiment de hasard, même s'il y a du bol. Et voilà, et donc ça dure deux grosses années fantastiques, avec comme copain de classe Julien Courbet, Didier Bouchandhomme, qui a été après le programmateur d'énergie de Virgin, d'Europe 2, tout ça, Julien, que j'ai retrouvé sur RTL. Enfin d'ailleurs, j'ai fait toutes les radios où j'ai travaillé avec Julien, qui est mon pote depuis 88. Enfin voilà, c'était une école de... On était une bande de voyous, on était 15 mômes, et surtout on était la première radio de la région. C'était dingue, c'est-à-dire qu'on avait un succès fou. On avait le niveau d'une radio nationale en étant une radio régionale. En plus, on avait le truc des Girondins de Bordeaux qui marchait bien à l'époque. Non, c'était une période dingue, dont j'ai pas tellement profité. Parce que j'étais un peu à l'école, parce que il y avait aussi François Pesanti, tiens, qui est le patron des sports aujourd'hui sur BFM TV, qui faisait les matinales avec moi. Il y avait un autre type de France Info qui s'appelle Gilbert Chevalier. Enfin, il y avait vraiment du monde dans cette radio. Et moi, j'en ai pas profité parce que je me levais à 5h tous les matins, et que après l'école, après la radio, j'allais souvent à l'école. Enfin, souvent. J'allais régulièrement à l'école. De temps en temps. Et donc, j'ai pas tellement... Julien, en plus, fait la fiesta. Après, je me suis vengé quand je suis arrivé à Paris. Alors, justement, il faut re-raconter cette histoire avec Max Wozniak, qui vous appelle et vous n'y croyez pas. Mais non, j'y crois pas une seconde. En fait, c'est un espèce de truc rebond. C'est ce qu'on me dit, message de Max Wozniak. Ouais, à 8FM. Ouais, bien sûr. Donc, quelle bonne blague. Ah ah ah ah. Je réponds pas. Marc Vignolles, donc le jeune chef d'antenne de Énergie, nommé par Guazzini, mais surtout adoubé par Christophe Sabot, mon mentor, dont je savais pas qu'il était en train de tirer les ficelles depuis le début. Et donc, il m'appelle, il vient. C'est une soirée à la patinoire Mériadec, qui est le Bercy bordelais, et qu'on présentait pour 8FM, la radio, avec Julien, justement. Je crois que je faisais l'ouverture, il faisait la fermeture, ou le contraire. Enfin, voilà, on était en présentateur à l'époque, tous les deux. Et donc Vignolles me dit, bah, il avait un accent du sud-ouest et de Toulouse. Bon, Jean, il faut que tu viennes, je suis directeur d'antenne à Énergie, je viens te voir, il faut que tu fasses de la radio avec nous. Et je dis, ouais, c'est ça. Moi, je suis la reine d'Angleterre, laisse tomber, mec, c'est cool, tiens, bois une bière. Et puis, il me dit, envoie-moi ta maquette en partant. Et je le fais pas. Mais parce que j'y crois pas une seule seconde, enfin voilà. Et en fait, si madame. Et donc, Sabot finit par m'appeler. Mais qu'est-ce que tu fous ? Je dis quoi, qu'est-ce que je fous ? Bah, ça se fait deux messages qu'on te laisse, en plus Guazzini, tu vas le vexer, ça va quoi. T'envoies une maquette tout de suite. Je dis mais c'est pas des conneries. Bah non. Alors j'envoie ma maquette. Guazzini me reçoit dans la semaine qui suit. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était la deuxième fois de ma vie que j'allais à Paris. La troisième fois. La première fois, c'était avec les parents, j'avais 12 ans. La deuxième fois, c'était pour un casting télé où j'ai appris que j'allais être pris. C'était 15 jours avant que j'y aille cette fois-ci et j'étais pris, c'est pour la 5. Et la troisième fois, c'est pour voir Guazzini qui doit me recevoir dans son bureau, mais il y a des consultants américains, donc tout est plein. Donc moi, j'attends dans le couloir et je vois arriver Guaz, qui, je sais pas si vous l'avez déjà vu, Cécile, il est très très grand. Oui, c'est un peu empâté aujourd'hui, mais c'était un très beau mec, genre un peu Alain Delon à l'époque et tout. Et là, avec son beau costume, et je le vois arriver dans le couloir. Et il me dit, ah bah je suis désolé, je peux pas vous recevoir, hein, vous viendrez demain. Je pouvais pas me faire ça, il me dit, mais non, je plaisante, je sais que vous venez de Bordeaux. Mais, hein. Et donc il me reçoit, mais dans un placard, et il me dit, bon j'ai écouté ta maquette, c'est pas trop ma cam, mais t'as fait quoi à l'école? Alors j'ai mon bac, puis là je suis en train de finir un cycle d'études. Alors, ah bah super, je te prends. C'est comme ça. Il me dit, ouais non, je veux que les animateurs d'énergie aient le bac maintenant et tout. J'ai dit, très bien. Et donc, j'ai été embauché à Énergie comme ça. En fait, tout était déjà arrangé par Sabot, qui avait dit, c'est lui que je veux pour bâtir l'équipe des années 90 d'Énergie. Mais moi, vu de ma porte, je le vis comme je vous le raconte. Donc, c'était hyper rigolo. Et donc, je dois arriver. Donc ça, c'était, je sais pas, je vois Max, je sais plus quand. Je dois démissionner de 8FM mi-avril, fin avril. Et le 5 mai, commencer sur Énergie l'après-midi. Et puis, le 24 avril. Faut que vous montiez à Paris, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que là, et en plus, il m'est arrivé un truc très important à ce moment-là qui a changé ma vie et ma façon d'être et l'homme que je suis, c'est que donc j'ai 23 ans et demi, j'ai fait mon premier casting télé, je suis pris, émission pour les enfants sur la 5. Je rencontre Guazzini, je suis pris Énergie, c'est-à-dire que je passe de, je suis un étudiant bordelais gentillet, animateur de radio et disque jockey dans une grosse boîte, et je deviens animateur de télé et animateur de radio sur Énergie, le tout en un mois. Et je sais pas s'il y a une fatalité ou quoi, mais le 24 avril 91, je sors d'une réunion de 8FM. Je suis un motard, comme vous pouvez le voir. Je roule toujours en moto. Et à l'époque, j'avais une très grosse moto, très, très, très rapide, un suppositoire. Et j'ai un accident très grave. Je fais du coma. J'ai les deux bras, les deux jambes cassées et une paralysie faciale qui va nécessiter une opération, une trépanation, etc., qui va empêcher mon visage de bouger pendant 6 mois. Et en fait, ce moment de ma vie qui est le moment où je réussis tout est le moment où j'ai un accident et où je suis touché, bon alors que ce soit j'ai des cicatrices partout, mais c'est pas grave ça, mais en revanche le visage, je suis touché précisément à l'endroit où il faut pas être touché quand on est animateur, et en fait ça va complètement changer ma carrière, c'est-à-dire que quand je dis qu'à ce moment-là je voulais être Patrick Sabatier, après j'ai plus du tout eu envie de ça, j'ai plutôt rêvé de Jacques Chancel, c'est-à-dire que je me suis dit que la facilité, l'aisance qui était la mienne et la chance et le fait que toutes les portes s'ouvraient au moment où je pointais mon nez, sauf qu'une voiture qui sort d'un parking sans regarder quand vous arrivez trop vite en moto, ça fait aussi partie des choses qui et du coup je suis arrivé à Paris quand même, j'étais en rééducation, Guazzini a été formidable, il m'a attendu vraiment, c'est-à-dire qu'il a planté son antenne d'Énergie en faisant travailler les mecs deux fois plus, tout ça, mais ils m'ont attendu. Sabot m'a dit, si tu peux pas refaire de la radio, je t'apprendrai à programmer, blablabla, enfin tous les gars ont vraiment été formidables, même à 8FM ils m'ont dit, si tu veux, vous avez été entouré. Ah, pff, c'est dingue. Et donc je suis arrivé à Paris et j'ai repris mon métier, mais j'ai repris mon métier pas tout à fait le même, c'est-à-dire avec le doute. et puis avec un œil qui ferme trop, ce qui m'a posé pas mal de problèmes pour mes prétentions télévisuelles. Évidemment, le truc télé c'était mort hein, puisqu'il fallait commencer tout de suite. Avec ça a remis tout en question les certitudes que j'avais, qui étaient confortées par le fait que ce soit aussi facile que ça marche pour moi. Et du coup, ça a fabriqué un homme et donc un animateur, parce qu'on parle de radio, complètement différent de celui que j'aurais été, je pense, si j'avais pas eu cette rencontre brutale avec un monsieur et ma moto. Alors, c'est le moment de la seconde pause musicale. Eric, Jean-Jean, vous avez choisi quoi ? Mon groupe préféré, Radiohead. On passe à l'anglais. C'est tout. Souvent, je parle de Creep parce que c'est une chanson de loser. Et là, j'ai envie de douceur dans cette moiteur du studio de Fréquence Protestante avec cette chanson qui est, alors pour ceux qui connaissent, en plus c'est chouette, on parlait de voyage tout à l'heure et de mon Angleterre à moi. Moi c'était pas Barcelone, c'était l'Angleterre, c'était Bristol, c'était Oxford aussi un peu. Et c'est No Surprise qui est la BO de l'Auberge Espagnole de Clapiche et qui est surtout, voilà, Radiohead pour moi c'est un des groupes après les Beatles les plus importants de tous les temps. Ils ont, d'ailleurs ils viennent de sortir un nouveau truc et vous discutez avec des gens comme M et tout, qui dit, bah, on écoute ça en boucle parce qu'en fait, voilà, c'est formidable. Tom York et toute sa bande, et cette chanson je la trouve d'une douceur, d'une subtilité, d'une légèreté incroyable. No surprises. No Surprises de Radiohead. C'est le deuxième choix d'Éric Jean-Jean dans cette première mécanique des ondes de la saison. Éric Jean-Jean, on vous a laissé, vous arriviez à Énergie, vous êtes devenu parisien en 1991. C'est là que les emmerdes ont commencé. Oh, tout de suite, ça c'est bien la parole d'un provincial. Non, vous arrivez à Énergie, alors évidemment d'autres locaux. D'autres, une autre façon de faire de la radio. Qu'est-ce que vous apprenez en plus? Qu'est-ce que vous flippez, non? Bizarrement, non. Je vais essayer d'être le plus honnête possible. Énergie, ça me faisait pas rêver. Ce qui me faisait rêver, moi, à l'époque, c'était Europe 2, c'était Kiss FM, c'était RFM. Sauf que j'ai pas menti, on me propose d'aller sur la plus grosse FM. J'y vais, puis en plus, vraiment, la personne qui me demandait d'y aller, Guadini, Sabot, voilà. Et donc, bon, j'y vais, quoi. Et puis j'y vais, fleur au fusil, à la cool. Mais de toute façon, c'est marrant, Cécile, que vous disiez ces trucs de provincial, mais c'est vrai. Je m'étais toujours dit que je n'habiterais jamais à Bordeaux. Et donc, je m'étais jamais vraiment installé à Bordeaux. J'avais un petit appart avec une Cécile. Je partageais avec une Cécile, d'ailleurs. Et voilà. Et quand je suis arrivé à Paris, je dis bon, là, je suis chez moi. Donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, ma vie a duré plus longtemps à Paris qu'à Bordeaux. Donc voilà, je suis un Parisien. Mais quand même, il y avait ce truc-là de se dire qu'est-ce que je fous là. Et il y a une anecdote hyper rigolote. C'est ma première prise d'antenne sur Énergie. Il y avait à l'époque une console qui était la même, la table de mixage, qui était une console Harrison noire, en tout très gros, très large, comme ça. On avait la même à 8FM, donc je savais m'en servir. On avait les mêmes lecteurs de cartouches. À l'époque, on mettait les pubs dans des grosses pubs, dans des grosses, grosses boîtes, ouais, avec des cartouchiers. Et donc, et le top horaire, ça faisait il était exactement. Puis il y avait 1, 2, 3, 4 sur Énergie. Donc, enfin, il y avait clic, clic, clic, clic sur Énergie. Et donc, moi, il y avait le même micro qui était un Shure, ce qui sont des micros de radio SM7, etc. Et tout. Donc, j'ouvre mon micro à fond, j'envoie le truc, et il est exactement. Sauf que c'était pas la même compression. Sur Énergie. Et en fait, je me suis rendu compte que on n'a rien entendu ce que j'ai dit. Ma première intervention sur Énergie, c'était. Et ça vous m'appelle en disant je crois qu'il faudrait que tu baisses un peu le volume derrière tes instruments. Quand tu parles à la radio. Voilà ma première intervention sur Énergie. Et pourtant, vous connaissiez Paris. Le matériel. Oui, mais sauf qu'il n'était pas réglé de la même manière. Et à 8FM, il y avait une grosse présence de micro. Et mais vraiment, mais quelle rigolade. J'y pense encore. C'était le 15 août 1991. 15 août 1991, à 8h du matin. Ce jour-là, j'ai fait 8h-14h sur Énergie. Et c'était une tranche habituelle, quoi. Mais non. Voilà, ça c'est fait. Il y en a eu d'autres, hein, mais celle-là était rigolote. Alors, qu'est-ce que vous apprenez en plus à Énergie? Vous avez appris les bases à 8FM. Qu'est-ce que vous apprenez en plus dans cette grosse radio? J'apprends rien en plus. Je deviens simplement l'intervieweur de la station. Et ça, je dois dire que c'est le truc qui a. En fait, on parlait de mon voyage en Angleterre. Je crois qu'à 23 ans et demi, date à laquelle j'arrive à Énergie, j'avais fait deux interviews dans ma vie, voilà. Et j'étais pas non plus spécialiste de ce genre de trucs et tout. Mais bon, eu égard aux études, tout ça, je savais préparer des dossiers, tout ça. Je savais que je savais faire, mais je l'avais pas fait, parce que ça s'était pas présenté. Et un jour, Max Guadini, encore lui, arrive avec sa démarche un peu lancinante, comme ça, dans le couloir, il balance. Il paraît que tu parles anglais. Je dis oui. Tu sais faire des interviews en traduction simultanée? Je dis bah oui. Il dit très bien. La semaine prochaine, tu fais Lionel Richie. Et il s'en va. Et il fait demi-tour, il fait ah. Et dans 15 jours, c'est Madonna. Je te jure que c'est vrai. Et moi, je fais ah ouais. Et je tombe un peu de ma chaise et il se casse. Et la semaine d'après, j'ai fait ma première interview en direct avec Lionel Richie. D'ailleurs, il s'est passé un truc hyper beau parce que je l'ai revu plein de fois, Lionel Richie. On a un peu sympathisé. Et quand j'ai quitté RTL, la première chose que j'ai faite, le gros truc que j'ai fait, c'était le premier Parc des Princes de Johnny, le premier Stade de France de Johnny en 98. Inviter Lionel Richie. Qui savait que j'étais là, et il arrive avec une photo d'une interview de lui et moi à Énergie, vraisemblablement la première, et dessous, je l'ai gardé, évidemment, je l'ai encadré, il y avait marqué « The beginning of something big », le début de quelque chose de grand, et lui et moi en train de bavarder, comme on est comme ça, tous les deux avec Cécile. Donc voilà, ma première interview, c'est Lionel Richie, qui est un mec formidable, et puis voilà, puis après Madonna, ça c'était flippant, et puis après plein de trucs. Pourquoi c'est flippant, Madonna? Parce que la pression, alors là, pour le coup, la pression. Parce que Madonna, en fait, elle est cool. Sauf que, il faut arriver jusqu'à elle. Elle est très bien entourée. Et, c'est pas très bien, c'est parfois trop. Et Madonna, si vous... Quand vous arrivez, on vous dit Bon, bah alors, si tu poses une mauvaise question, attention, elle se casse. Hein. Et elle t'envoie chier, elle se barre et tout. Ce qui est peut-être vrai, mais c'est surtout que vous arrivez, vous êtes terrorisé. Puis moi, putain, deuxième, pardon, faudra couper au montage ce grand mot. Deuxième interview de ma vie, et c'est Madonna. Et d'ailleurs, j'ai pas fait une bonne interview parce que j'étais tellement terrorisé par l'enjeu que je voulais absolument avoir mon heure d'interview pour avoir du son et de sa voix, que du coup, j'ai posé des questions un peu. Bon, mais je me suis rattrapé par la suite avec elle, ça a été cool. Et pour en finir avec Madonna, d'ailleurs, parce que c'est rigolo, la boucle, première et deuxième interview, la première interview, donc Richie, et le premier truc que j'ai fait en arrivant à RTL. Et la dernière chose que j'ai faite en arrivant, en partant d'énergie, c'est Madonna, avec qui là, j'avais un peu sympathisé parce que Lourdes a le même âge que ma fille Canel, on se montrait des photos de nos gosses et tout, c'était rigolo. Puis j'étais l'interviewé sur le tournage d'Evita, après ça se passait vraiment bien entre nous. Et donc je suis viré d'énergie, et ça c'est février 98, et le staff Madonna fait savoir que si c'est pas moi qui fais l'interview qui a lieu genre le 15 mars, elle vient pas. Et donc, ils m'ont rappelé. Et donc, j'ai fait ma dernière interview. La dernière chose que j'ai faite, c'est Madonna qui me dit « Tu veux qu'on en parle longtemps ?» Je dis « Non, c'est cool, tout va bien. » Enfin, voilà. Et donc, ces deux premières interviews, en fait, s'avèrent, une fois que la boucle énergie est bouclée, être... Et c'est marrant parce que c'est la première fois que je me rends compte en vous le racontant. La dernière chose que j'ai faite sur énergie, Madonna, et la première chose que j'ai vraiment faite... dans la première chose que j'ai faite, il y avait Lionel. C'était rigolo. Donc, au bout de 7 ans, pourquoi énergie vous vire? D'abord parce que j'ai jamais été au format, et ça je peux comprendre. J'ai toujours parlé un peu comme on parle sur les radios plus adultes. Je parlais un peu plus vite, je parlais comme ça, mais je parlais quand même avec ma voix et ma façon de parler. Ensuite parce que je crois que Baudecroux trouvait que je parlais beaucoup trop. Enfin parce que j'étais le protégé de Sabot et que les années 90, là on arrive en 98, donc là Energy c'est devenu la World Company. Moi j'ai présenté les premiers Energy Music Awards pour TF1 et Energy, donc je commençais à être important dans la boîte et j'étais surtout le poulain de Sabot. Et Sabot était en disgrâce et on a voulu lui expliquer que d'un coup de patte on pouvait arracher la tête de son chouchou sans qu'il se passe rien. Entre temps, et c'est aussi sans doute pour ça que Sabot m'a pas défendu, j'avais annoncé à Sabot que j'allais partir à RTL parce que j'étais viré en février 98 et fin 97, Noël 97, j'ai été contacté par un type avec Claude Emer qui était directeur d'antenne d'RTL. Qui m'appelle, parce que j'avais commencé sur TF1, puis il y avait un mec qui m'avait vu, et il m'appelle, il me dit « Ouais, ce serait bien qu'on se rencontre et tout, on cherche des gens pour RTL, et tout, très bien. » Et puis moi, je me sentais... Donc voilà, j'étais déjà en contact avec RTL. Et puis plus que tout, et c'est facile de le dire une fois qu'on a été viré, mais vraiment, je partais de toute façon, parce que à cette époque-là, j'avais 30 ans, je venais d'avoir 30 ans, je venais d'avoir ma fille, j'avais la mère de ma fille dans ma vie, j'avais une maison. Elle avait deux petits garçons, donc c'était une famille recomposée. J'avais trois enfants, j'avais un break, j'avais un chien, j'habitais une maison que j'avais achetée à Colombes. Et je me demandais ce qu'un mec comme moi pouvait raconter aux mômes d'énergie tous les jours. Donc, je leur amenais les artistes, je leur amenais les infos people, je leur amenais... ce qui est un peu des âneries, parce que quand on regarde Manu Lévy aujourd'hui, qui a mon âge et qui fait toujours la matinale. Mais moi, je me sentais super vieux sur cette radio. Encore une fois, j'ai jamais vraiment rêvé d'énergie. C'est pas ma radio de rêve. Donc, du coup, Et puis, arrivé à RTL, je me suis senti une bouffée de fraîcheur. Vous étiez plus en corrélation avec le Diterra à RTL? Non, j'étais même un môme pour lui. Oui. J'étais même, ça allait pas du tout. Alors, pourquoi une bouffée de fraîcheur? Parce que vous passez de, j'étais le plus vieil animateur de la station et j'étais le capitaine des animateurs. C'est-à-dire que c'est moi qui recevais Bruno Guillon quand il arrivait de Charente pour l'installer. C'est moi qui expliquais à Karl comment on allait travailler. C'est moi qui venais voir quand il y avait un blême. Je faisais les interviews, je faisais les chroniques. Enfin, j'étais un mec important. J'étais le capitaine des animateurs. Et soudain, je me sauve et j'arrive dans cette maison RTL où l'auditeur d'énergie doit avoir autour de 25-30 ans à l'époque, mais il est pas si jeune que ça, hein. Et l'auditeur d'RTL a plutôt 50, entre 50 et 55 ans. Je me mets à parler à ma mère un peu quand même, mais je suis tellement bien accueilli dans cette maison. Et puis surtout, ils ont envie de m'avoir justement pour ce que je suis. C'est-à-dire que Alain Thibollat, le directeur des programmes à l'époque, m'appelle et me dit « Eric, si dans 6 mois j'ai l'impression que vous êtes là depuis 10 ans, je vous virerai. Moi, je veux que vous restiez ce que vous êtes. » Un peu, non. Et du coup, RTL m'a permis toutes les extravagances, les rigolades, les folies. Je suis à 48 ans, je suis encore le sale gosse d'RTL, quoi. Parce que alors que je me sentais le père de famille à énergie, voilà quoi. Donc c'est une maison. Je suis fou amoureux de cette radio. de ces hommes. En fait, c'est ce que j'y ai fait beaucoup de choses à RTL. J'ai aimé Énergie. Hein. Puis Énergie, ça a été une étape importante pour moi. Mais la radio de ma vie reste et restera, quoi que je fasse, y compris si je vais à Inter, à Europe ou n'importe où. Voilà, 18 ans de ma vie sur cette radio avec ces gens, ces hommes, ces femmes, c'est un truc dingue. Éric Jean-Jean a tellement parlé qu'il nous reste 2 minutes pour le questionnaire rapide. Alors, 9 questions pour vous, Éric Jean-Jean. D'accord. Un homme de radio qui pourrait être votre modèle? Francis Zégut. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Stéphane Paoli, allez. Faut choisir. Hein, Stéphane Paoli. C'est mon modèle, je vais tout piquer. D'accord. J'ai voulu être malhonnête et dire Zégut, c'est mon ami. Mais en fait, l'homme à qui j'ai tout piqué, c'est Stéphane Paoli. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Kiss FM. Quelle radio vous réveille le matin? Europe 1. Quelle radio vous endort le soir? Pas de radio, mais s'il y en a une, c'est souvent... Désolé Georges, c'est souvent OuiFM. Je lui répéterai. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Dans ma voiture, dans ma salle de bain, dans ma cuisine. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Dans les toilettes. Oui, comme Manu Lévy. Bon. Votre meilleur souvenir de radio, mais rapide? S'il n'y en a qu'un à retenir. Tour Eiffel 2000, Johnny. Le pire souvenir? Whitney Houston, New York. Ah, j'ai envie de savoir. voilà, on avait que 2 minutes. Rien, elle a été raciste, conne, et m'a maltraité après m'avoir fait attendre 4 heures. Et au bout de 13 minutes d'interview, alors que j'en avais 30 d'accordé, j'ai dit merci, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai posé ma bande sur la table et je suis parti. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Je sais que vous avez été un petit peu formateur dans certaines formations, à l'INA notamment, et je pense que pour vous, ça doit être important. Boss. Ok, bah écoutez, c'est... voilà. C'est un bon conseil. Il y a du talent, de la chance, et je fais partie vraiment des gens qui illustrent ça. Mais je considère que j'aurais déjà arrêté ce métier si j'avais pas bossé. D'accord. J'ai fait court, hein. Oui, là, vous avez fait super court, c'est bien, on est dans les temps, maintenant on va s'arrêter, parce que sinon vous allez repartir. Je sens que si je vous laisse le micro ouvert, vous pouvez repartir. Ouais. Là. Ouais, alors je m'arrête. Merci beaucoup Éric Jean-Jean pour cette ouverture de saison de La Mécanique des Ondes. Je vous en prie. Et puis, bah écoutez, tous les interviews, vous les retrouvez sur le www.lamecaniquedesondes.com et fréquenceprotestante.com. Au revoir.